Mon père était boulanger, mon père était boulanger. Boulanger, quel beau métier, boulanger, quel beau métier. Il passait toute sa nuit à faire du pain bien cuit. Des pains longs, des pains ronds, du bon pain pour les voisins. Des pains longs, des pains ronds, du bon pain pour les voisins. Pendant que le pain cuisait, pendant que le pain cuisait, mon père se reposait, mon père se reposait. Il allait trouver ma mère, lui parler des nuits entières. Des pains longs, des pains longs, des pains ronds, du bon pain pour les voisins. Des pains longs, des pains longs, des pains ronds, du bon pain pour les voisins. Quand le pain était à point, quand le pain était à point, il défournait avec soin, il défournait avec soin. Il chantait à perdre haleine, en alignant quelle aubaine. Ses pains longs, ses pains longs, ses pains ronds, ses pains ronds, son bon pain pour ses voisins. Ses pains longs, ses pains longs, ses pains ronds, son bon pain pour les voisins. Un jour au petit matin, un jour au petit matin, quand vers son lit il revint, quand vers son lit il revint, il trouva vide la place, sa femme lui faisait grâce. Des pains longs, des pains longs, des pains ronds, du bon pain pour les voisins. Des pains ronds, des pains ronds, des pains longs, du bon pain pour les voisins. Il laissa le pain brûlé, il laissa le pain brûlé. Le pays fut alerté, le pays fut alerté. Il versa de chaudes larmes, il en oublia le charme. Des pains longs, des pains longs, des pains ronds, du bon pain pour ses voisins. Des pains longs, des pains longs, des pains ronds, du bon pain pour ses voisins. Mais un jour maman revint, mais un jour maman revint, le visage entre les mains, le visage entre les mains. Elle n'eut pas un reproche, père changea en brioche. Ses pains longs, ses pains longs, ses pains ronds, son bon pain pour les voisins. Ses pains longs, ses pains longs, ses pains ronds, le bon pain pour les voisins.